Le premier ministre coréen Park Bong-joon a inspecté le complexe sidérurgique Kimtech et l'acierie de Chongjin. Il a encouragé les ouvriers, techniciens et cadres qui opèrent l'innovation dans les travaux de construction du haut fourneau à la chaleur d'oxygène et d'installation du gros séparateur d'oxygène et la production du fer du thé avant d'organiser les réunions consultatives. On y a pris des mesures pour accélérer le réaménagement au complexe sidérurgique Kimtech et fournir des matières et matériaux nécessaires à la production du fer du thé de l'acierie de Chongjin.